France Info fait sa rentrée scolaire en direct d'Angers. Et on vous retrouve, Bernard Thomasson. Oui, retour au lycée David d'Angers qui accueille plus de 800 lycéens et plus de 500 collégiens. Un établissement très ancien, créé sous Napoléon et où France Info vous fait vivre depuis ce matin la rentrée des classes. 12 millions d'élèves retrouvent le chemin des établissements comme ici. Mais avant d'entrer au lycée, il faut passer par le collège et encore avant, par l'école primaire. Jusqu'à midi et demi, dans ce quart d'heure, nous allons nous attarder justement sur le primaire. La maternelle marque la toute première séparation entre parents et enfants et l'élémentaire, l'étape fondamentale pour acquérir le socle des connaissances. Célia Kiré, vous avez passé le tout début de matinée dans une école primaire toute proche d'ici. Oui, l'école Alfred Clément. Les élèves se sont retrouvés ce matin dans la cour à 8h30. Ils étaient tout contents de se retrouver. Et la rentrée, c'est toujours un moment particulier, surtout quand on découvre une nouvelle école comme Carla et sa maman qui viennent d'arriver à Angers. C'est bien ici, l'école, pour apprendre des choses. Les maths, le français. Ça représentait un gros mal de ventre. Là, ça va mieux. C'est des repères hein, dans la vie d'un enfant, je crois aussi. C'est la construction d'une vie aussi, l'école. Hein. La construction d'une vie aussi. Alors cette rentrée ne présente pas de grands changements pour les élèves. En revanche, c'est la dernière année avant la réforme des rythmes scolaires. L'année prochaine, il y aura sans doute école le mercredi ou le samedi matin. La maman de Carla n'y est pas opposée. Ça ne nous dérangera pas du tout qu'il y ait école le mercredi matin ou le samedi matin. Le temps de travail est un petit peu trop court maintenant pour assimiler toutes les matières qu'ils ont à assimiler. Et le directeur de l'école, Gilles Agathor, est très enthousiaste sur cette réforme des rythmes. Je pense qu'on va plutôt vers une semaine de 4 jours et demi avec un mercredi matin travaillé, ce qui nous semble, nous en tout cas, par rapport au rythme actuel, une bonne chose. C'est un avis qui est partagé par tous les collègues. On retrouvera très certainement des élèves beaucoup plus disponibles chaque jour de la semaine, en tout cas chaque matinée, puisqu'ils auront un rythme beaucoup plus régulier. On sait très bien que les parents ne pourront pas récupérer leurs enfants plus tôt, parce qu'ils travaillent, pour la plupart. Maintenant, quel système va être mis en place dans le cadre du périscolaire pour accueillir les enfants? Est-ce que nous aurons effectivement un encadrement qui sera de qualité? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et c'est une question que nous allons nous poser tous ensemble ici avec nos invités autour de cette table. Bonjour Dominique Bruno. Bonjour. Vous êtes directeur non pas de l'école Alfred Clément, mais d'une école voisine également, l'école de l'Isoray. Votre école expérimente les 4 jours et demi depuis 2 ans. Alors, quelle réponse on peut apporter à votre collègue sur qu'est-ce qu'on fait des enfants l'après-midi? Comment ça se passe chez vous? Eh bien, à 15h30, les enfants sont pris en charge par des animateurs de la ville et des animateurs des clubs sportifs du quartier autour de l'école. Ce sont des professionnels de l'animation et les enfants de 15h30 à 17h peuvent bénéficier d'activités gratuites, très diverses, poterie, danse, aquariophilie, chorale, échecs, toute une gamme d'activités qui permettent aux enfants de découvrir des choses et c'est un vrai temps de découverte pour les enfants. Vous savez que du côté du ministère, on regarde très attentivement ce qui se passe chez vous et dans d'autres écoles qui expérimentent cela, puisque c'est en perspective pour une généralisation. Comment ça a été mis en place? C'était facile? Toute nouvelle expérimentation, puisque nous sommes une expérimentation, entraîne forcément des calages qui sont relativement difficiles à justement caler au départ. C'est bien le propre de l'expérimentation. Donc ça a été un petit peu difficile au départ parce que on invente un modèle qui n'existait pas, donc c'est toujours difficile. Mais nous avons été très très bien accompagnés. Il y a eu des réticences. Il y a eu des parents qui étaient contre à l'origine, mais qui n'ont pas enlevé leurs enfants. Et nous avons eu effectivement des réticences, des décalages. Mais ça a été un choix d'école de passer sur ce nouveau rythme. Donc en fait, tout le monde a voulu, à un moment donné, ramer dans le même sens. Donc c'est 9 demi-journées, c'est ça, le mercredi matin? 9 demi-journées, tout à fait. Et des journées un peu plus courtes, avec donc des ateliers l'après-midi. Voilà, nous terminons les cours à 15h30 l'après-midi et nous avons cours le mercredi matin jusqu'à 11h30. Et ça implique un travail de tous. J'ai vu que la paroisse même s'y était mise pour déplacer le catéchisme, etc. Enfin, c'est un travail de collaboration de tous les acteurs. C'est un travail de collaboration d'acteurs, comme je dis, de communauté éducative. Le maire d'Angers est à côté de nous. Bonjour Frédéric Béatz. Bonjour. Vous consacrez donc un budget à l'accueil de ces enfants dans le cadre de cette expérimentation. Pourquoi le faire? C'est une contrainte pour vous? L'avez fait alors c'est une expérimentation, donc vous êtes bénévole. Enfin, la ville s'est portée bénévole, j'imagine. Oui, c'est d'abord la volonté forte d'un adjoint au maire, maintenant devenu député, Luc Belot, qui d'ailleurs travaille avec Vincent Payon autour de cette question, et une période de conviction, de concertation qui a duré 1 an. Avec l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, avec une ambition qui est celle de la ville d'Angers, c'est la réussite scolaire de ses enfants. c'est la capacité de construire des vraies continuités éducatives qui portent vers l'ouverture sur la ville, sur la société, et la capacité de mettre l'ensemble des acteurs autour d'une même table. Ça coûte cher, les moyens, parce qu'évidemment, il faut les accueillir, donc ça demande du personnel, de la commune, des locaux, de l'argent aussi, je suppose. Bien sûr, on peut évaluer autour de 20 000 euros l'effort qui a été fait à l'école de l'Isoret. Mais au-delà de la question financière, qui est réelle, et sur lesquels nous aurons à discuter avec le gouvernement le moment venu, lorsque, je l'espère très rapidement, la décision d'étendre le dispositif au niveau national sera prise, l'enjeu, il est tout autre. Il est de pouvoir construire dès le plus jeune âge, au moment où les inégalités se creusent, au moment où l'avenir des enfants se joue, de construire l'opportunité de revoir complètement l'ouverture vers les équipements culturels, sportifs, le travail en commun. Et c'est ce qui a été fait dans ce quartier. C'est se mettre autour d'une même table et de re-réfléchir à la place et au rôle des uns et des autres, de construire ces continuités, ces parcours et de placer au cœur de cette problématique l'enfant et ses parents. Dominique Bruno disait qu'il y a eu quelques réticences parmi les parents. Bonjour Virginie Guillitot, vous êtes membre de la FCPE, l'association des parents d'élèves. Vous approuvez cette expérimentation? Vous êtes plutôt parmi les réticents? Ah non, pas parmi les réticents, non, au contraire, parmi les parents porteurs et accompagnateurs et qui sont très motivés par cette expérience qui devrait être généralisée et qui, nous l'espérons, parents d'élèves, sera généralisée le plus vite possible. Est-ce qu'il y a un mieux, Dominique Bruno, dans l'éducation? Est-ce que vous sentez une différence pour les enfants? C'est extrêmement difficile de répondre à cette question. Ça fait quoi, deux ans, hein, vous nous disiez? Oui, tout à fait, deux ans. C'est extrêmement difficile de répondre à cette question-là parce que, parallèlement à ce que nous avons mis en place, la volonté des villes éducatrices qui possèdent une expérimentation de ce type-là a été de vouloir, en l'occurrence, Brest, Nevers, Lyon, La Roche-sur-Yon. Ça a été effectivement, à un moment donné, de se dire on va évaluer ça et on va comparer le rythme entre 4 jours et 4 jours et demi. Donc cette évaluation-là, qui est en phase d'analyse, devra permettre de donner des résultats par rapport à ça. Je me tourne vers votre voisin de droite qui justement fait partie de ces gens qui analysent tout ça. Bonjour Christophe Bougeon, vous êtes chronobiologiste, donc vous vous intéressez au rythme scolaire chez l'enfant. Déjà des premiers enseignements à tirer? Alors effectivement, on a commencé à évaluer, enfin ça fait depuis le mois de janvier dernier, le rythme des enfants à travers notamment leur attention en classe le lundi matin, le jeudi matin. Et puis on a également donné des questionnaires pour savoir quelles étaient leurs régularités quant à leur rythme veille-sommeil, l'heure du coucher, l'heure du lever. Et donc l'heure du sommeil au total. Alors ça représente beaucoup de données puisqu'on a plus de 500 données par enfant à chaque fois qu'on est allé les voir dans l'école. On est allé trois fois de suite dans l'école de l'Isoret, mais également dans une école témoin qui est à 4 jours. Et donc ça représente donc plusieurs centaines de milliers de résultats que j'ai commencé à analyser avec Claire Lecomte. C'est un peu trop tôt pour vous donner des résultats. Mais... globalement, vous êtes partisan de ce type d'expérimentation. C'est quoi le bon rythme pour un enfant? Est-ce qu'on peut le définir? Alors, la plus grande régularité possible déjà, parce qu'on voit effectivement que lorsqu'on évalue l'attention des enfants, le lundi matin, cette attention est particulièrement labile, difficile à fixer pour les enseignants. Et donc, en régulant l'école et en augmentant l'école à 4 jours et demi, on a effectivement une plus grande régularité et puis des heures de coucher et de lever qui sont plus réguliers. Et donc, naturellement, on sait que ça donne de meilleures... une meilleure attention des élèves à l'école. Et le rythme dans la journée, c'est important aussi, cette nouveauté d'amener des découvertes, du loisir l'après-midi. Alors tout à fait, parce que si effectivement on s'intéresse dans cette étude au rythme veille-sommeil et à l'attention, on sait que les apprentissages reposent aussi sur la motivation, sur la découverte d'autres activités, sur la mémoire, et donc c'est cet ensemble de fonctions qui permettent de mieux apprendre. Virginie Guillitot, pour les parents, c'est important aussi les rythmes. C'est contraignant d'avoir les enfants à la maison l'après-midi plus tôt ou... Alors, c'est pas contraignant dans l'expérience qui est vécue à l'école de Luzerey, puisque la ville d'Angers porte le projet et a mis les moyens nécessaires avec les gens du quartier, les bénévoles, pour faire des activités extérieures, enfin des découvertes artistiques, manuelles, sportives. Mais il y a une vraie question sur aussi les vacances. Je me retourne vers vous, Christophe Bougeon, parce qu'on dit qu'il faut 7 semaines de travail, 2 semaines de vacances. C'est possible à mettre en place, sachant les contraintes des lobbies touristiques, notamment pour les vacances d'hiver, les vacances de printemps? C'est encore une fois une question de régularité. Effectivement, on a des semestres, des trimestres qui sont particulièrement longs. On sait que le premier trimestre de l'année, on retrouve des enfants fatigués. Donc, il est nécessaire de réguler au mieux le rythme des vacances et le rythme de l'école. Dominique Bruno, sur cette question, juste, l'économie passera toujours avant l'éducation, selon vous, ou on arrivera à faire le... Moi, je suis pas ministre de l'Éducation nationale, donc je ne réponds pas là-dessus. Oui, vous dirigez l'école, quand même. Voilà. Effectivement, quand on a une régularité à l'intérieur de la semaine scolaire, notamment, puisque c'était ce qui était permis par le décret de 2008, nous obtenons effectivement des enfants qui sont plus attentifs en classe, ça c'est certain. Frédéric Béatz, juste un mot sur la rentrée à Angers. Tout s'est bien passé aujourd'hui? Il n'y a pas de soucis majeurs? Tout s'est bien passé. Ce qu'on vous a sous la main? Ah ben voilà, profitez-en. Déjà, on a le sentiment, plus que le sentiment, les choses ont changé, le climat a changé, notamment 2 postes de RASED, sur lesquels j'étais très inquiet, qui ont été réattribués pour les enfants les plus en difficulté. Alors, tout se passe peut-être bien à Angers, mais j'ai un auditeur, Christophe, qui dit scandale dans le Maine-et-Loire, 7000, c'est un Twitter. Hein, donc, voilà, 7000 élèves qui n'ont pas accès à une école publique dans leur commune. C'est vrai, ça? Oui, le secteur des Mauges est un secteur très, très, très touché par un gros problème d'absence d'école publique. Et donc, ça va maternelle, être, primaire. Il y a une réflexion qui est portée autour de ça. Ça va en tout cas, la FCPE a décidé, oui, de porter ce dossier-là avec une grande attention. Et faire bouger les choses, oui. Eh bien, merci en tout cas de cette première réflexion autour des rythmes scolaires à tous nos intervenants. Christophe Bougeon, chronobiologiste, Frédéric Béatz, maire d'Angers, Dominique Bruno, directeur de l'école de Lizoré et Virginie Guilletot, parente d'élèves.